Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour 2 heures de rock progressif. Et je m'occupe de l'animation, de la mise en onde et du choix musical. Et aujourd'hui, nous aurons une nouveauté, en fait une primeur ou une première. Et on aura un co-animateur dans le troisième bloc de l'émission. Il s'agit de Samuel Girard, un jeune animateur de la station C'est fou, qui va venir nous présenter un cru de, en fait, trois sélections de son cru. Et il va nous dire en même temps qu'est-ce qui peut intéresser un jeune de 25 ans. Moi, c'est compréhensible, j'ai 65 ans, j'ai débuté avec le rock progressif, alors ce serait intéressant de connaître le point de vue de Samuel. Alors, on vous attend au troisième bloc pour vivre cette expérience-là avec nous. Alors, aujourd'hui à l'émission, nous avons Out of the Beard Space, un nouveau groupe des États-Unis, Porcupine Tree d'Angleterre, la Concenza di Zeno d'Italie, Nexus d'Argentine, le nouvel album de Host Sonaten d'Italie. Nous avons aussi un extrait du nouvel album de I Am the Morning de Russie. Nous aurons The Mute Gods et de Neil Morse aussi des États-Unis, The Reasoning d'Angleterre et à la fin de l'émission, nous aurons la position 1 du rock du palmarès rock de Neuron. Je garde la surprise pour la fin. Ceux qui suivent l'émission depuis le début ont probablement une très bonne idée de qui il s'agit. Mais je vous laisse sur votre appétit jusqu'au quatrième bloc de l'émission. Alors, on débute ça avec Out of the Beard Space, qui est une formation récente des États-Unis. Ils ont un album numérique qui s'intitule The Smile. Alors, on va entendre un extrait de cet album-là. Nous allons aussi avoir Porcupine Tree avec une pièce tirée de The Sky Move Sideways. Porcupine Tree qui a 10 albums studio avant que Steven Wilson quitte la barque pour une carrière solo. Et The Sky Moves Sideways se trouve être le troisième album du groupe, album qui est paru en 1995. Et on va conclure le bloc avec La Concenza di Zeno, qui est une formation italienne. On leur connaît 3 albums depuis 2011, et ce qu'on va entendre, c'est un extrait de l'album, je pense que c'est l'album éponyme, qui est paru en 2011. Alors, on débute ça avec Out of the Beard Space. Show their hands. Thank you. Alors, vous venez d'entendre la conscienza di Zeno avec la pièce Un insolito baratto alchimico et c'est extrait de l'album éponyme paru en 2011. Ça a été précédé d'un extrait de la pièce de Sky Moves Sideways Phase 2 et c'est extrait de l'album du même nom de Porcupine Tree et c'est paru en 1995 et on a débuté le bloc avec une nouvelle formation américaine du nom de Out of the Beard Space et on a entendu la pièce The Smile. Après la pause, Nexus et on débute le deuxième bloc de l'émission avec une formation d'Argentine. Il s'agit de Nexus qui ont 6 albums studio à leur actif et ce qu'on va entendre par contre c'est un extrait de Decameron qui est une compilation qui est parue il y a quelques années de 4 CD, en fait deux compilations de 4 CD, donc 8 CD en tout. Et on va entendre une pièce extraite de cet album-là, de cette compilation-là. Et on va poursuivre avec la nouveauté de Host Sonaten, l'album qui vient tout juste de paraître. L'album s'intitule « Symphonie numéro 1, Cupid and Psyché ». C'est une... La version numérique est sortie cette semaine, tandis que la version vinyle va suivre dans quelques jours. Et moi, particulièrement pour les groupes italiens, j'essaie de me procurer les vinyles. Alors, on va entendre 3 pièces extraites de ce nouvel album-là. Alors, on débute ça avec Nexus. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le troisième bloc, qui est quoi animé ce soir avec Samuel Girard, je voulais juste faire un petit peu la liste de ce qui est... ce qui avait attendu avant la pause, c'était Os Sonaten avec leur nouvel album. Os Sonaten, qui est une formation italienne, qui est un des nombreux projets de Fabio Zuffanti. Il vient tout juste de sortir cet album-là. C'est Symphonie numéro 1. Ça s'intitule aussi Cupid and Psyche. On a entendu trois pièces et on a débuté le bloc aussi avec la formation d'Argentine Nexus avec The Evil Priest. C'est extrait de Decameron, 10 Days in 100 Novellas, qui est paru en 2011. Alors, pour le troisième bloc, je voudrais vous présenter Samuel Girard, qui est un jeune animateur de la station C'est fou, ici à Trois-Rivières. Et la particularité, c'est que Samuel et moi avons 40 ans d'âge de différence. Alors, il est 40 ans mon cadet. Et ce que je voulais, en fait, on se croise de temps en temps et je l'ai aussi rencontré à un spectacle de IQ à Québec l'an dernier. Et on a échafaudé peut-être un petit projet de faire une émission ensemble. Et aujourd'hui, ben, c'est consacré. Et j'aimerais ça que Samuel présente ses pièces qui vont suivre. Là. Mais auparavant, je voudrais qu'il se présente et aussi nous dire pourquoi un jeune de 25 ans s'adonne au prog. Je pensais que c'était réservé aux dinosaures de mon espèce. Alors, je vous présente Samuel je te cède la parole. Premièrement, bonsoir. Merci pour la présentation. Donc, tu voulais savoir un petit peu d'où est-ce que ça venait cet intérêt-là pour le rock progressif. Ben, je vous dirais que c'est grâce à mon père. Donc, il n'y a pas de formule magique dans ce temps-là. Donc, c'est très simple. J'étais jeune, il écoutait ses spectacles de Yes, il écoutait ses albums de Genesis. Et faut croire que c'est ce qui m'a accroché le plus dans la musique. J'écoutais un peu de la musique commerciale quand j'étais au secondaire. Et je sais pas pourquoi, mais les chansons ne m'accrochaient pas. Puis, à un moment donné, je tombe sur des albums de Pink Floyd, Genesis, Yes. Puis là, ça, pas de problème. Puis c'est là-dessus que je suis parti pour découvrir plus de groupes qui faisaient ce style-là. Tout simplement. Te considères-tu comme un électron libre de ta génération ou si tu sens un engouement qui est partagé par tes amis? J'ai plusieurs de mes amis qui écoutent des styles de musique similaires ou qui écoutent aussi les mêmes groupes que moi. Donc, quand même, j'étais chanceux de ce côté-là. Je suis tombé sur les bonnes personnes. Mais c'est sûr qu'en général, oui, ça fait un peu étrange de parler de ses intérêts musicaux dans ce temps-là. Bon, mais au moins, il y a de l'espoir puis il y a de la relève. C'est ça qui est intéressant. Alors, je te laisse présenter ton bloc. Ben parfait. Très simple, la première chanson que je vais vous présenter, c'est la chanson Feed the Troll du groupe The Mute Gods sur leur album Do Nothing Till You Hear From Me, qui est paru en 2016. Donc j'ai été voir un spectacle de Steven Wilson, ça fait vraiment pas longtemps, et c'est leur bassiste tout simplement, donc ça m'a accroché un peu son projet qu'il faisait. J'ai été en écouter, j'ai vraiment pas été déçu, donc je dois apprendre à me familiariser un peu plus avec l'album. La première chanson qui m'a accroché, c'est celle que je fais jouer. Donc, comme je l'ai dit, Nick Beggs, qui est le bassiste de Steven Wilson. Il y a Marco Mindman, qui est aussi dans le groupe de Steven Wilson à la batterie. Et l'autre nom qui m'a accroché, c'est la présence de Nick Virgilio aussi en studio. Donc, quand même, des bons noms du rock progressif actuellement. Donc, c'est ça pour cette chanson-là. La prochaine, c'est Neil Morse, que je considère comme étant un des kings du progressif actuel avec Steven Wilson. Donc lui, ça va être la chanson Author of Confusion de l'album One, paru en 2004. C'est une des chansons qui m'a le plus impressionné quand j'ai été voir son groupe en spectacle. Donc, aussi, un des premiers groupes à avoir accroché, c'est Gentle Giant, et cette chanson-là, disons qu'elle prend beaucoup d'inspiration de ce groupe-là. Oui, les parties vocales sont très inspirées de Gentle Giant, effectivement. Oui. Effectivement. Et petit côté intéressant, en plus, Spock's Beard va enfin faire une tournée pour l'album Snow, et pour l'occasion, ils ont réinvité Neil Morse et Nick Virgilio, qui vont faire partie du spectacle pour l'album, donc c'est sûr que ça va être excellent de ce côté-là. La troisième chanson... c'est du groupe The Reasoning, groupe un peu moins connu, je dirais, avec leur style plus néo-prog. Ils ont voulu faire du rock progressif différent. Donc, c'est quatre fans de rock progressif qui ont décidé de former un groupe ensemble. Ils ont chacun leur petite touche. Ils sont 3/4 à chanter sur l'album. Donc, 3 lead singers. Donc, quand même. Vocal. Oui, exactement. Et l'emphase est mise là-dessus. Donc, un peu moins de section instrumentale, beaucoup d'accent mis sur le vocal. Ça fait différent. Évidemment, sur l'album, on va écouter la chanson Awakening, de l'album Awakening paru en 2007. C'est la chanson qui m'a le plus accroché sur l'album. Je vous dirais que Dark Angel est un peu plus lourd comme album et s'écoute mieux. J'ai encore un petit peu d'écoute à faire pour vraiment bien l'apprivoiser. Mais c'est ça, donc quand même, ils touchent à beaucoup de choses, ce groupe-là. Est-ce que tu voulais y aller la quatrième chanson du bloc? Ben, en fait, moi, j'ai introduit I Am The Morning, qui est un duo russe qui vient de faire paraître l'album Lighthouse. Et on va débuter ça et on va enchaîner avec The Mute Gods et Neil Morse et The Reasoning. Alors, merci pour ton intervention. Ça fait plaisir. Et on se rejoint à la fin du bloc. You're not getting. myself a simple soul. Of my pleasures I cherish one. For me I like to feed the troll. Reason. of confusion you play inside my mind, and I want to run, but where can I hide? Author of confusion, your aim is to confound, till I do not know which is up or down. Author of confusion, you play inside my mind, and I want to run, but where can I hide? Author of confusion, you start an endless chase, thoughts start running round, never find their place. Author of confusion, your aim is to confound, till I do not know which is up or down, low or high. The truth is I don't know. Donc, on vient d'écouter Dans le désordre, la chanson Awakening du groupe The Reasoning. C'était précédé de Order of Confusion de Neil Morse. Ensuite, on a eu Feed the Troll de Mute Gods. Et on a ouvert le bloc avec Chalk and Coal de I Am the Morning. Donc, c'était trois de mes choix précédés d'une chanson choisi par votre cher animateur. De mon côté, c'est tout pour ce soir. Et s'il y en a qui s'intéressent, eh bien, je co-anime une émission de métal progressif le mardi soir qui s'appelle Matière Noire. Ça commence à 21h. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez venir écouter ça. Bon, ben Samuel, je te remercie beaucoup. Puis, j'espère que tu as aimé l'expérience autant que moi. Oui. Alors, on reprend ça cet automne et... on va aller à la pause et après, c'est la position 1 du palmarès Rock de Neurone des 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Et ça donne à être un album que Samuel adore. Alors, on se donne rendez-vous après la pause. Vous êtes à cfou.ca. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission qui est consacré au rock progressif classique, c'est-à-dire des précurseurs du rock progressif. Et on a atteint aujourd'hui la première position du palmarès Rock de Neurone. Ça fait déjà 50 albums qu'on passe ensemble. Et la première position est occupée par Genesis, bien entendu, avec l'album Saline England by the Pound. Ça se trouve être le cinquième album studio du groupe, qui en compte une quinzaine, et on va entendre Dancing with the Moonlight Night, Firth of Fifth et The Cinema Show. Alors, on débute ça avec Dancing with the Moonlight Night. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. Without sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves his thumbs right off. We'll be right back. paying out the credit card. She plays for tune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing a part. Captain leaves his Lanfrado through the night. Join The path is clear, though no eyes can

Alors, vous venez d'entendre The Cinema Show. Ça a été précédé par Firth of Fifth et Dancing with the Moonlight Night. Ces trois pièces sont sur l'album Celine England by the Pound qui occupe la position 1 du rock, c'est-à-dire du palmarès rock de Neuron pour les 50 meilleurs albums de rock progressif de tous les temps. Alors, ceci met fin à l'émission et j'invite les auditeurs qui seraient intéressés à connaître la liste, le canevas de l'émission. Vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neuron et vous aurez aussi un accès avec hyperlien aux fichiers numériques de toutes les émissions qui ont été archivées. Il y en a une soixantaine. Alors, étant donné que c'est l'avant-dernière émission de la saison, vous aurez intérêt, probablement durant l'été, de consulter la page Facebook et de vous remémorer les bons moments de la saison 2015-2016. Sur ce, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.